Guerre. À travers chaque guerre, ces élans d'héroïsme. Ils partirent sans armes autres que leur courage, affronter l'inconnu, l'inattendu carnage. Ils partirent pourtant bannissant l'égoïsme. À travers chaque guerre, ces tombereaux de vice, la peur incontrôlée, le cynique voleur, les profiteurs abjects, les arrogants prêcheurs, ceux qui dans le chaos leurs désirs assouvissent. Plus dure est la bataille, plus belle est la victoire, quand des malheurs vécus naissent de grands humains dont la muette lutte éclaire notre chemin et dont l'image vit dedans notre mémoire. Trop peu de temps pourtant quand repris par la vie, on oublie de cela les discrètes grandeurs, les constants sacrifices, les multiples ardeurs, chaque jour déployés devant nos yeux ravis. Il nous faudra garder bien au chaud dans le cœur le souvenir de ceux, combattants volontaires, de cette guerre inepte où nombreux ils sauvèrent des humains terrifiés, immergés dans l'horreur.